Chapitre 35e. Docile aux instructions de M. Lecoq, André s'était résigné à attendre à l'hospice Beaujon l'issue de la partie que jouait pour lui le célèbre policier. Bien plus, il avait eu assez d'énergie pour affecter, sans se démentir jamais, cette profonde insouciance de l'avenir dont avaient été dupes les espions de B. Mascaro. Il est vrai que toutes les attentions qui pouvaient contribuer à le rassurer et à lui donner du courage lui avaient été prodiguées. Tous les jours, son voisin de droite, ce malade que M. Lecoq lui avait désigné comme son agent, lui remettait mystérieusement une lettre qui le tenait au courant des événements. Il la lisait en cachette et ensuite la brûlait. Le temps passait cependant. Les journées, une à une, s'écoulaient monotones, interminables, et André, qui sentait approcher le moment décisif, commençait à perdre patience quand enfin son voisin lui donna, et ouvertement cette fois, un billet dont la lecture lui arracha une exclamation de joie. « Nous l'emportons, » écrivait le célèbre policier. « Tout danger est écarté. Priez le docteur de signer votre billet de sortie. Faites-vous beau et vous me trouverez à la porte, vous attendant. Signé, L. » André n'était pas complètement rétabli. Il était condamné à porter son bras en écharpe pendant quelques semaines encore, mais ses considérations ne devaient pas l'arrêter. Levé de bonne heure le lendemain, il revêtit ses plus beaux habits qu'il avait envoyés chercher chez lui, et enfin, sur les 9 heures, après avoir pris congé des bonnes sœurs, dont il ne pouvait oublier les soins attentifs, il sortit. La veille, il souffrait encore de ses blessures, mais en ce moment il les oubliait comme s'il eût été touché par quelque baguette enchantée. Jamais il ne s'était senti si jeune, si léger, si fort. Jamais l'espérance n'avait palpité en lui avec une pareille intensité. Arrivé à la porte, après avoir aspiré avec délice la première bouffée de l'air du dehors, il regarda de tous côtés, surpris de ne pas voir au rendez-vous l'homme étrange auquel il devait plus que la vie. Déjà il délibérait sur le parti qu'il avait à prendre, quand une voiture de remise découverte, lancée au grand trot malgré la pente du faubourg, s'arrêta court devant l'hospice. André ne pouvait pas ne pas reconnaître le respectable monsieur à lunettes d'or que cette voiture amenait. Aussi s'élança-t-il vers lui, avant qu'il se fût seulement levé pour descendre. « Grâce au ciel, vous voici, monsieur, » dit-il, « je commence à être inquiet. » Monsieur Lecoq, c'était lui, consulta sa montre. « C'est juste. Je suis en retard de 5 minutes. J'ai été retenu là-bas. » Et comme le jeune peintre se confondait en remerciements, « Montez près de moi, j'ai à vous parler. Le temps est superbe, nous irons jusqu'au bois. Marche, cocher. » Tout en s'installant aux côtés du policier célèbre, André était frappé de l'altération de ses traits, si calme d'ordinaire et si immobile. L'inquiétude le saisit. « Serait-il survenu quelque fâcheux événement, monsieur ? » commença-t-il. « Pas le moindre. C'est que... Ah, je vous comprends. Vous trouvez ma physionomie singulière. D'abord, je suis harassé, ayant passé la nuit à éplucher les papiers de la société B. Mascaro. Puis, j'arrive de la préfecture, où j'ai été témoin d'un spectacle qui m'a bouleversé. Moi qui cependant ai vu de terribles choses en ma vie. » Il secoua la tête vivement, comme s'il eût pu secouer en même temps une impression opportune et poursuivit. La raison de Martin Rigal n'a pas résisté à la catastrophe. Ce misérable avait au cœur une passion sublime, il adorait sa fille. Séparé d'elle violemment, la sachant sans fortune, marié à un triste gars dont il méprise le caractère, il s'est abandonné au délire de son désespoir et il est devenu fou. Pour lui, le cabanon de Bicêtre remplacera le bagne. Il échappe au châtiment des hommes, mais il n'évite pas la punition de Dieu, bien autrement terrible. « Martin Rigal fou ?» murmura André. « Oui. Et savez-vous quelle est sa folie, résultat d'atroces angoisses ? Il s'imagine que Paul et Flavie sont sans ressources, sans asile, sans pain. Il s'imagine que Paul prétend spéculer sur la beauté de sa femme et vivre de son ignominie. » Et Rigal croit entendre la voix de sa fille criant au secours. Oui, il entend cette voix, déchirante, lamentable. Alors il appelle les gardiens, il se traîne à leurs genoux, il les supplie de le laisser sortir pour un jour, pour une heure. Il jure qu'il reviendra quand il aura arraché sa fille à la honte, à l'infamie. Et comme on ne se rend pas à ses prières, il ensanglante ses mains à essayer de desceller les barreaux de la fenêtre, à tenter de briser les serrures. On a été obligé de l'attacher sur son lit, et c'est là que je l'ai vu, se consumant en effort pour briser ses liens, mort dans les sangles qui le contiennent. Je l'ai vu, les traits affreusement convulsés, les yeux sanglants, et près de jaillir de leur orbite, la bouche écumante, hurlant comme une bête fauve de douleur et de rage. Il m'a reconnu, et il s'est interrompu pour me dire « Entendez-vous la voix de Flavie ?» Le jeune peintre frissonnait. « Et ce supplice, poursuivit l'agent de la sûreté, durera peut-être des années, le médecin me l'a dit. Il se peut que pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, sans trêve ni repos, il entende cette voix lamentable. Et chaque minute de ces années contiendra pour lui plus de torture qu'il n'en a fait subir à toutes ses victimes. » Un assez long silence suivit. André ne pouvait s'empêcher de plaindre ce misérable, qui cependant avait essayé de lui arracher Sabine, qui avait tenté de l'assassiner. « Vous le voyez, reprit M. Lecoq, ainsi que je vous l'écrivais, la bataille est gagnée. Le docteur Ortebise râle en ce moment. Il s'est empoisonné, mais le poison subtil, qui devait, pensait-il, le foudroyer, l'a trahi. Et voici bientôt 24 heures que dure son agonie. Catnac a repris son assurance. Mais accusé et convaincu d'infanticide, il sera condamné à 10 ans, pour le moins, de travaux forcés. Et tout le fretin est de même dans Ménasse. Les papiers de Martin Rigal m'ont fourni des armes. Perpignan, Van Kloppen et Verminet iront. Qui en cour d'assises, qui en police correctionnelle. Le sort de Toto Chupin n'est pas encore fixé. Épouvanté de son crime, il est allé se dénoncer. Il faut lui tenir compte de ce bon mouvement. Mais tout cela ne rassurait pas complètement André. « Et Croisenois ? » interrogea-t-il timidement. Le célèbre policier dissimula un sourire. « C'est-à-dire, répondit-il, que vous doutez de moi ? Oh, monsieur ! Allons, enfant, rassurez-vous. J'avais promis que le nom du comte de Mussidan ne serait pas prononcé. Croisenois réussit à m'échapper. Il a couché hier à Bruxelles, à l'hôtel de Saxe, chambre numéro 9. La société des mines de Tifila sera jugée comme une escroquerie ordinaire. Il n'y a pas eu de fonds versés, on rendra les promesses de souscription acquis de droit, et Croisenois sera condamné par contumace à 2 mois de prison. Enfin, demain, M. Gandelfi sera remis en possession de ses faux billets. La voiture roulait alors le long de la grande allée du bois de Boulogne. M. Lecoq fit signe au cocher de rebrousser chemin. L'heure est venue, reprit-il, de vous dire pourquoi, après notre première entrevue, je vous ai salué du nom de Chandos. Votre histoire, je l'avais devinée, mais c'est de cette nuit seulement que j'en connais les détails. » Et sans attendre une réponse, rapidement et clairement, il analysa ce volumineux manuscrit que B. Mascaro avait donné à lire à Paul. Il ne dit pas tout, cependant. Il tut ce qu'il pouvait taire des crimes et des fautes du duc de Chandos et de Madame de Mussidan. Il voulait épargner à André cette douleur de haïr ou de cesser d'estimer, et son père et la mère de Sabine, avant de les connaître. Le célèbre policier avait si bien pris ses mesures que, juste comme il terminait son récit, le cocher, prévenu d'avance, arrêtait la voiture en face de la rue de Matignon. « Descendez, » dit-il à son compagnon, « et prenez garde à votre bras. » André obéit machinalement. « Maintenant, » reprit M. Lecoq, qui était resté dans la voiture, « écoutez-moi bien. Le comte et la comtesse de Mussidan vous attendent pour déjeuner, ce matin, à 11 heures. Voici, tenez, la lettre d'invitation qu'il m'avait chargée de vous transmettre. Cependant, ne perdez pas trop la notion du temps près de Mademoiselle Sabine. À 4 heures, soyez à votre atelier. J'aurai l'honneur de vous présenter à votre père. Jusque-là, pas un mot. » Le jeune peintre voulait parler, répondre, témoigner sa reconnaissance, dire quelque chose. Il ne le put. M. Lecoq avait fait claquer sa langue d'une certaine façon. Le cocher avait fouetté son cheval, et déjà la voiture était confondue parmi toutes celles qui descendaient la chaussée. Littéralement, André était comme foudroyé par tant de bonheur. La jeune fille qu'il aimait, un des grands noms de France, une immense fortune, tout lui arrivait à la fois comme si la destinée, lasse de le traiter en marâtre, eût voulu prendre sa revanche d'un seul coup. Mais le vertige de ses prospérités inouïes dura peu. Il rougit de sa faiblesse, et c'est d'un pas presque ferme que, remontant la rue Matignon, il alla sonner à la grille dorée de l'hôtel de Mussidan. Enfin, il allait donc pénétrer dans cette maison dont la porte lui avait été si longtemps fermée. Quel accueil il y attendait ? Monsieur de Mussidan se souviendrait-il de ses promesses ? Ou bien, le péril écarté, se contenterait-il d'un franc remerciement ? On vint lui ouvrir, et à l'empressement respectueux des gens, il jugea qu'il était attendu et recommandé. C'était d'un bon augure, et cependant, lorsque dans le vestibule on lui demanda son nom pour l'annoncer, il eut bien du mal à l'articuler. Mais où il faillit faiblir, ce fut quand le valet de pied, ayant ouvert la porte du grand salon, il jeta, de sa voix emphatique, ce nom, dont la simplicité plébéienne dut bien surprendre les aristocratiques échos, « Monsieur André ». Il s'avança cependant, en dépit d'une circonstance inattendue qui contribuait à le décontenancer. Sur le panneau faisant face à la porte, était accroché le portrait de Sabine, ce portrait si mystérieusement exécuté par lui. Comment se trouvait-il là? À ce trait, il reconnaissait le génie de Sabine, aidé de Monsieur Lecoq. Heureusement, le comte de Mussidan comprit son embarras. Il vint à lui, la main tendue, et l'attirant vers la comtesse. « Diane, prononça-t-il, voilà le mari de notre fille. » André s'inclina profondément, balbutiant un acte de reconnaissance. Mais le comte l'entraîna de nouveau, et mettant sa main dans celle de Sabine, il dit d'une voix émue, « Si le bonheur ici-bas est une récompense, vous serez heureux. » Ce n'est qu'au bout d'un moment qu'André, redevenu maître de soi, put enfin regarder Mademoiselle de Mussidan. Pauvre jeune fille, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, après les tortures de ce long mois où elle s'était résignée à recevoir les hommages de Croisenois et à lui sourire. « Oh, cher !» murmura André à son oreille, « cher adoré, vous avez bien souffert. »« Vous le voyez ?» répondit-elle simplement. « Je ne mentais pas, j'en serais morte. » Ah, il fallut bien du courage à André, pour ne pas dire son secret à cette femme tant aimée et si digne de l'être. Pendant cet après-midi qu'il passa près d'elle, pendant ces heures délicieuses où elle lui avoua ses mortelles angoisses et ses espérances. Mais il eut besoin d'un effort surhumain pour se retirer lorsque sonna la demie de 3 heures. Encore avait-il tant hésité, tant attendu, qu'il s'en fallut de bien peu qu'il ne manquât le rendez-vous. Il n'était pas dans son atelier depuis 5 minutes quand on frappa. Il ouvrit, et M. Lecoq entra, suivi d'un vieillard aux façons un peu hautaines. Ce vieillard était le duc de Chandos, Norbert. « Monsieur, dit-il sans préambule à André, vous connaissez les raisons qui m'amènent. Vous savez qui vous êtes et qui je suis. » André inclina la tête affirmativement. « Monsieur que voici, poursuivit le duc, en montrant Monsieur Lecoq, vous a pris en quelles circonstances déplorables je me suis séparé de vous qui êtes mon fils. Je ne chercherai pas à m'excuser. J'ai d'ailleurs cruellement expié ce crime. Regardez-moi, je n'ai pas 48 ans. » On lui en eût donné 60, au moins, et André put se faire une idée de ce que cet homme, qui était son père, avait dû souffrir. « Et la faute me poursuit, » continua-t-il. « Aujourd'hui, lorsque ce serait mon vœu le plus cher, je ne puis vous reconnaître pour mon fils. La loi ne me laisse pour vous assurer ma fortune et mon nom qu'un expédient, l'adoption. » Le jeune peintre se taisait. Monsieur de Chandos reprit avec une visible hésitation. « Vous pouvez, je le sais, m'intenter un procès en restitution d'état. Mais en ce cas, il faudra que je dise... « Monsieur, » interrompit André, « quel sentiment me supposez-vous donc? Quoi? Avant de reprendre votre nom qui est le mien, je le déshonorerais. » Le duc respira. L'accueil d'André l'avait glacé. Quelle différence entre cette réserve hautaine et la scène pathétique jouée par Paul le jour précédent. « Cependant, monsieur le duc, » reprit André, « je vous demanderai avant tout la permission de vous présenter quelques observations. » « Des observations? Oui, monsieur. Je n'ai pas osé dire « conditions ». Mais vous allez me comprendre. Par exemple, je n'ai jamais eu de maître. Mon indépendance m'a coûté assez cher pour que j'y tienne. Je suis peintre, pour rien au monde, je ne renoncerai à la peinture. Vous serez toujours votre maître, monsieur. » Comme son père, l'instant d'avant, le jeune peintre hésitait. Il était devenu fort rouge. « Ce n'est pas tout, » reprit-il. « J'aime une jeune fille dont je suis aimé. Notre mariage est arrêté et je pense, fit vivement le duc, que vous ne pouvez aimer qu'une femme digne de notre maison. » À cette réponse, un triste sourire plissa les lèvres d'André. « Je n'étais rien hier, » répondit-il doucement. « Mais rassurez-vous, monsieur, elle est digne d'un Chandos, et par sa fortune, et par son nom. Selon les conventions sociales, elle était placée bien au-dessus de moi. Celle que je veux épouser est la fille du comte de Mussidan. » Monsieur de Chandos, en entendant ce nom, devint livide. « Jamais !» s'écria-t-il. « Jamais. J'aimerais mieux vous savoir mort que le mari de Mademoiselle de Mussidan. Et moi, monsieur, je souffrirais 1000 morts plutôt que de renoncer à elle. Si je vous refusais mon consentement, Cependant, si je vous défendais... » André hocha tristement la tête. « Vous n'avez rien à me refuser, monsieur le duc. Rien à me défendre. L'autorité paternelle, monsieur, s'achète par des années de dévouement et de protection. Vous ne m'avez rien donné. Je ne vous dois rien. Oubliez-moi, comme vous m'avez oublié jusqu'ici. Passez votre chemin, je poursuivrai le mien. » Le duc de Chandos gardait le silence. Un affreux combat se livrait en lui. Il lui fallait, il ne le comprenait que trop, ou renoncer à ce fils miraculeusement retrouvé, ou le voir le mari de mademoiselle de Mussidan. Ces deux alternatives lui paraissaient également horribles. « Jamais, murmura-t-il, la comtesse ne consentira à ce mariage. Elle me hait autant que je la hais moi-même. » Monsieur Lecoq, muet témoin de cette scène, jugea le moment venu d'intervenir. Il s'avança au milieu de la salle, et regardant avec assurance tous les témoins de cette scène, « Je me fais fort, prononça-t-il, d'obtenir le consentement de madame de Mussidan. » Le duc ne résista plus, il était vaincu. Il ouvrit les bras à André en disant « Venez, mon fils, qu'il soit fait selon votre volonté. » Mais le jeune peintre ne tarda pas à se dégager de cette étreinte. Il donnait enfin un libre cours à l'émotion qui l'étouffait. « Ma mère » s'écria-t-il, en serrant à le briser le bras du duc, « Conduisez-moi auprès de ma mère. » Et ce soir-là, en embrassant ce fils en pleurait, Marie de Puymandour, duchesse de Chandos, comprit que le bonheur n'est pas un mot. Le duc avait deviné juste. En apprenant qu'André était le fils de Norbert, madame de Mussidan déclara qu'elle s'opposait formellement à son mariage avec Sabine. Mais M. Lecoq ne promet jamais en vin. Dans les papiers de B. Mascaro, il avait retrouvé la correspondance soustraite à la comtesse. Il la lui a reportée, et en échange, elle a donné son consentement. Le célèbre policier assure que ce n'est pas là du chantage. André et Sabine habitent maintenant le château de Mussidan, magnifiquement réparé. Peut-être s'y fixeront-ils, tant leur sont chers ces beaux bois de biberon, témoins de leurs premières amours. Au-dessus du balcon de son château, André montre volontiers à ses visiteurs cette guirlande volubilis, entreprise pour justifier sa présence à Mussidan, est restée inachevée. Il la terminera, dit-il, au premier jour, ce qui est douteux, car il est devenu bien paresseux. Ce qui est sûr, c'est qu'avant la fin de l'année, il y aura un baptême à Mussidan. Ainsi s'achève le tome deuxième et dernier des Esclaves de Paris par Émile Gaboriau.